Les profondeurs du cœur, créateur du bonheur, l'eau ne peut surpasser même la douleur. La mélodie divine fait que les âmes se vident. Tu devines que ton visage prend à nouveau une meilleure mine quand la musique fusionne avec ta tête lancée. Ta tête sinon d'image subliminale cadencée. Ici devant ton âme se déroule les chroniques du temps. La nostalgie s'amorce l'hiver, tu passes à printemps. Et ta plus vieille pulsion, celle de danser, te revient. Ton esprit s'évade pour fusionner avec le bien du déstress, oubliant la miséricorde et la détresse. Non non, le monde dans lequel tu vis ne tombe pas autour d'une pièce. Là où les hommes se meurent, là où les hommes se terrent, la musique demeure incrustée pour calmer l'atmosphère. Respire, grosse bouffée d'air avant d'être vénère. Sur les bases de la sérénité, je vois que tu persévères. Éveil de mes sens, je suis en harmonie. Serein, je prends le micro, toujours à l'aise dans mes ponies.